Piste 32. 4. D. Mon centre-ville est sympa. Pour sortir, il est super parce qu'il y a des cafés et des restaurants. Il y a aussi des magasins pour faire du shopping, mais comme c'est un petit centre-ville, il n'y a pas de supermarché. Il est aussi culturel, il y a un musée et un opéra, mais il n'y a pas de cinéma, c'est dommage.